bleu sur la mer. Le sable se ride. La plage se vide. Il pleut sur la mer. Il pleut sur la mer. Et ma peau se ride. Et mes yeux se vident. Il pleut sur la mer. Le sang, sans le goémon, il pleut sur la mer. Bonjour mon amour.